Les personnalités des organisations politiques et sociales bangladaises ont visité le 12 l'ambassade coréenne dans leur pays pour féliciter le 71e anniversaire de la libération de la Corée. Le secrétaire général du comité central du parti travailliste, le secrétaire général du parti Jatia, le président du comité préparatoire bangladais pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes de 2017, le président du cercle d'études de la politique de Sungun et autres personnalités ont déposé les corbeilles et bouquets de fleurs devant la peinture du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il se trouvant ensemble avant de formuler leur hommage.